Le comité préparatoire du côté nord pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités du nord, du sud et d'outre-mer en faveur de la paix et de la réunification indépendante dans la péninsule coréenne a publié le 3 septembre un communiqué qui dit notamment: actuellement, les États-Unis et les autorités sud-coréennes se démènent plus que jamais à la confrontation anti-République populaire démocratique de Corée. Dans cette situation, toute la nation coréenne de l'extérieur et de l'intérieur du pays se raffermisse dans sa volonté d'ouvrir une nouvelle voie à la réunification de la patrie en s'unissant fermement sous l'idéal « entre nous les Coréens » et condamne vertement les autorités sud-coréennes qui empêchent le grand rendez-vous pan-national pour la réunification. L'Association nationale des Coréens aux États-Unis, le Conseil de coopération des Coréens en Allemagne, la direction de la région européenne de la direction d'outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, l'Association des Coréens du Canada et autres formations des compatriotes d'outre-mer ont publié les déclarations et appels sous les titres comme « On condamne le traître scissionniste Park Geun-hye qui tente de faire échouer la conférence conjointe » et « Réussissons la conférence conjointe pour l'indépendance et la réunification pacifique afin de défendre à jamais la vie et la sécurité de la nation ». Ils y ont accusé les menées scissionnistes scélérates des autorités sud-coréennes et appelé à tenir sans faillir la conférence conjointe par les efforts de toute la nation. Min Suk Tongsin et autres presses des compatriotes d'outre-mer et les Coréens de la diaspora aussi ont condamné le refus de la conférence conjointe de Park Geun-hye, plus horrible que les élections séparées et le gouvernement séparé de Sung Man-ri, et exigé du pouvoir Park Geun-hye de ne pas nier la conférence conjointe et de réaliser la paix par le dialogue nord-sud au lieu du SAD. Les comités préparatoires au Japon, en Chine et dans la communauté des États indépendants dénoncent les autorités sud-coréennes qui empêchent le grand rendez-vous national pour la réunification et s'efforcent d'inviter de plus en plus nombreux compatriotes à se montrer favorables à la conférence conjointe. À travers les déclarations et entretiens, l'Association des Coréens au Japon pour la paix et la réunification, le Conseil permanent de la Fédération des commerçants et industriels coréens au Japon, le Présidium du Comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, le Présidium du Comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon, le Présidium du Comité central de l'Union des hommes de lettres et d'art coréens au Japon et autres formations des compatriotes coréens et des Coréens au Japon ont applaudi la réussite de la réunion de travail du Nord, du Sud et de la diaspora au milieu du mois d'août dernier à Shenyang, Chine, pour l'ouverture du grand rendez-vous national pour la réunification et la publication du communiqué commun reflétant le désir des compatriotes de voir la réussite de la conférence conjointe. Les autorités sud-coréennes tarsent le projet de conférence conjointe d'offensive prétextant la paix et répriment les sud-coréens qui ont participé à la réunion de travail. C'est un acte anti-réunificateur impardonnable, parti de l'intention d'exercer la pression afin d'empêcher les formations et les personnalités de différents paliers de Corée du Sud de répondre au projet du Nord pour l'ouverture de la conférence conjointe et de faire échouer le grand rendez-vous pour la réunification. L'Association générale des Coréens en Chine, l'Association des jeunes Coréens en Chine et autres formations des Coréens en Chine aussi ont publié des déclarations et entretiens pour accuser les autorités sud-coréennes d'avoir empêché la conférence conjointe qui était prévue à l'occasion du 71e anniversaire significatif de la libération de la Corée et affirmé la ferme volonté de repousser les machinations des scissionnistes et de faire réussir à tout prix la conférence conjointe par l'amour pour la patrie et la nation et la force de la solidarité et de la cohésion. Les autorités sud-coréennes ne regardent pas au projet de la République populaire démocratique de Corée pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne et dressent un grand obstacle à l'ouverture de la conférence conjointe en livrant les exercices de guerre contre le Nord et les menées de confrontation fratricide de connivence avec les forces extérieures, mais rien ne pourra neutraliser l'aspiration et la volonté de tous les compatriotes attachés à la paix et à la réunification. Les autorités sud-coréennes doivent regarder à l'aspiration plus ardente de tous les compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur à la réunification, abandonner l'antagonisme à l'égard de la République populaire démocratique de Corée et accepter aussi vite que possible le projet de grand rendez-vous national pour la réunification. Le comité préparatoire du côté nord fera tous les efforts sincères à l'avenir aussi, en étroite collaboration avec les partis politiques, les organisations sociales et les personnalités de l'intérieur et de l'extérieur qui sont favorables à l'ouverture de la conférence conjointe pour la réussite du grand rendez-vous national pour la réunification, en faisant échouer tous les défis et toutes les manœuvres d'obstruction des forces de l'intérieur et de l'extérieur opposées à la réunification.